les bandes de casseurs se sont évanouies dans le dédale des cités. Il y a eu moins de 20 interpellations cette nuit. Les CRS installent leur veille et sous leur protection, les pompiers peuvent intervenir. Comment, 6 heures ? Bonjour, bon réveil, nous sommes le vendredi 6 novembre, un autre jour est possible, votre réveil culturel quotidien avec au programme la Seine-Saint-Denis, parole rappée par notre tête chercheuse de la semaine, le sociologue Karim Amou. Dans un instant, le cinquième et dernier épisode. Et aux alentours de 6h20, on passe du rap à la pop pour retrouver avec autant de plaisir en deuxième partie Étienne Dao, l'homme qui chante, à l'occasion de la sortie d'un roman graphique qui retrace l'aventure de son dernier album, Les chansons de l'innocence retrouvée. Saint-Denis, ville sans égal, Saint-Denis, ma capitale, Saint-Denis, ville peu banale. Bonjour Karim Amou. Bonjour. Alors pour ce dernier épisode consacré à la Seine-Saint-Denis, on va parler de des mémoires des immigrés ou des migrations. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs comme intitulé? Parce que L'avantage de mémoire des migrations, c'est que elle permet de tenir ensemble le fait que, certes, d'un point de vue, c'est une mémoire d'immigrés, c'est-à-dire de personnes qui arrivent, mais que du point de vue peut-être des concernés, c'est en premier lieu une mémoire de gens qui partent et donc d'émigrés aussi. La migration dit à la fois le départ et pas seulement l'arrivée, donc elle n'adopte pas exclusivement le point de vue du pays d'arrivée. La Seine-Saint-Denis, le département le plus métissé de France, ça c'est une réalité. Oui, c'est un des départements les plus métissés. Quand on parle de métissage, c'est toujours compliqué d'utiliser ce terme pour le plaquer sur les questions d'immigration, parce qu'en fait, le métissage connote souvent beaucoup plus la couleur de peau que le métissage en soi de nationalité ou d'origine géographique. Et parmi la diversité des populations de Seine-Saint-Denis, on a des traditions de migration, y compris au sein de la France métropolitaine ou au sein de la France, qu'on prend en compte ces départements d'outre-mer, qui est réelle et très importante depuis plus d'un siècle. On a des vagues de migration qui remontent à l'époque de l'industrialisation et qui comprenaient notamment un grand nombre de Bretons, qui comprenaient également un grand nombre ressortissants de l'Algérie, qui à cette époque est territoire colonisé par la France et donc en fait de France d'Algérie, même s'ils ont un statut de citoyen de seconde zone. Donc, on a une histoire des migrations, c'est-à-dire des circulations à la fois au sein de l'espace français et de l'espace impérial français et au-delà de la France, qui s'ancre, qui s'actualise en Seine-Saint-Denis de très longue date. Et aujourd'hui, s'il fallait faire un constat, est-ce que la France multiculturelle, telle qu'on a pu la rêver ou la fantasmer dans les années 80 et 90, est-ce qu'elle a une base réaliste dans ce département, la Seine-Saint-Denis ? Oui, elle a une base réaliste dans ce département. Elle a une base réelle, d'une façon générale, en Île-de-France, qui est en fait une agglomération particulièrement multiculturelle. C'est aussi une des différences entre les grandes agglomérations françaises, et tout particulièrement l'Île-de-France, et le reste du territoire français, où on a effectivement un multiculturalisme qui est beaucoup plus ancré, de plus longue date, et où on a donc des personnes d'origine variée qui se côtoient de longue date et inventent des cultures ancrées dans le territoire qu'elles habitent ensemble depuis plusieurs dizaines d'années. On a parlé de la Seine-Saint-Denis comme le terreau des cultures urbaines françaises, mais est-ce que on n'a pas un peu évacué la ghettoisation des quartiers de la Seine-Saint-Denis selon ses origines ou sa couleur de peau? La question de la ghettoisation du point de vue des origines ou de la couleur de peau, c'est principalement le problème de l'éviction et la fuite des classes supérieures, souvent blanches, des quartiers populaires. Et en réalité, dans nombre de ghettos, c'est la diversité qui prime, c'est une diversité dans laquelle, effectivement, on peut avoir de moins en moins de classes supérieures et de blancs. Et en réalité, ce n'est une ghettoisation du point de vue des communautés que lorsqu'on oppose massivement blancs et non-blancs. En réalité, il y a une grande diversité dans la plupart des quartiers populaires et des cités d'habitat social de la Seine-Saint-Denis comme du reste de la France. Alors, la place de la mémoire de ces migrations dans le rap d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un fantasme recréé à partir d'un état de fait. On se retrouve tout seul, donc on recrée l'histoire de nos parents, on fantasme l'histoire de nos parents, ou c'est un mélange des deux ? C'est-à-dire qu'il y a du réel, il y a une véritable transmission de ces histoires mélangées à quelques fantasmes. Par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, Karim Amou ? Parce que ça reste toujours l'objet de débats houleux. La mémoire, ce n'est pas l'histoire. Hein. Donc, la mémoire, c'est toujours une façon de se raconter, une façon de choisir aussi ce qu'on a envie de raconter. Et le morceau que j'ai choisi pour aujourd'hui, qui est un morceau assez connu, La Caution, Thé à la menthe, est un morceau qui est plutôt très subtil de ce point de vue-là, parce que, comme souvent les morceaux de rap, il ne se prend pas aussi au sérieux que ce qu'on pourrait croire. Et donc, cette question de la mémoire et de l'arbitraire, finalement, de la sélection que la mémoire opère, elle est traitée avec un certain second degré. Elle mélange des souvenirs très précis, comme cette allusion au scopitone des cafés arabes des années 70 et 80, avec des stéréotypes sur le thé à la menthe, l'immigré maghrébin et son thé à la menthe, qui est... tourné en dérision, en fait, dans ce morceau, autant qu'il est rappelé. Thé à la menthe par La Caution. Première époque, bidonville, ambiance clandestine, dans un bar à Barbès, thé à la menthe, couscous et tagine à la carte. Plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdellah, avec un sale accent, pas de salam alek, me dit Hassan, l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood, à Tamal Rasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères. Comme un malade mental, j'ai mal à la tête. Je cavale en Stan Smith, Adidas, Jean 501 et ça va, je m'en tape. Ici, c'est v'là l'attentat. Pour quelques douze de plus, il y a des carnages dans l'air. Cette France me désintègre en classe l'arabe comme un barbare bancal. Nique la culture du barbecue, du steak et des fast-food. Au bled, c'est la djellaba et les chandails d'Oujda à Casablanca. C'est banal en bas de la tesse. Je m'emmerde et je pèse que dalle. Ça se balafre en bas de mon hall. Ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel, de notre héritage culturel. Bidonville, ambiance clandestine dans un bar à Barbès et à la menthe, couscous et tagine à la carte. Plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdallah, avec un sale accent, pas de salam alek, me dit Hassan l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood à Tamal Rasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères, comme un malade mental, j'ai mal à la tête, je cavale en Stan Smith, Adidas, Jean 501, ça va, je m'en tape, ici c'est v'là l'attentat. Pour quelques douze de plus, y'a des carnages dans l'air, cette France me désintègre, on classe arabe comme un barbare bancal. Nique la culture du barbecue, du steak et des fast-food au bled, c'est la djellaba et les sandales d'Oujda à Casablanca. C'est banal en bas de la tête, je m'emmerde et je pèse que dalle. Ça se balafre en bas de mon rôle, ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. Notre héritage culturel. C'est festif, c'est du second degré, je veux bien vous croire, Karim Amou, mais au fond, il y a quelque chose qui rappelle qu'il y a des blessures quand on parle d'identité et de mémoire. C'est une chanson qui joue sur les contrastes, contraste entre cette musique entraînante avec ce mélange très, très, très innovant. La Caution est vraiment un groupe de rap qui a amené de nouvelles choses dans le rap français à partir de son premier album, Les Rues Électriques, au début des années 2000. En termes de fusion entre musique électronique, entre samples de musique arabe, et je dédicace ici DJ Bachir qui s'arrache toujours les cheveux pour trouver d'où vient ce sample. La quête du sample, en l'occurrence sur le morceau Thé à la menthe, il cherche toujours. Et donc on a ce contraste entre cette musique très entraînante, très festive, qui a fait son chemin de la France jusqu'à Hollywood, parce que effectivement c'est devenu l'une des chansons phares d'un blockbuster américain, et en même temps ces paroles un peu désabusées, très désabusées parfois, et en même temps le thé à la menthe qui vient comme pour effacer le sentiment de désintégration culturelle qui n'est donc jamais complet. Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre du contraste et de l'ordre du jeu sur un double niveau qui me paraît assez emblématique de ce qu'une œuvre d'art peut produire, c'est-à-dire des émotions d'abord par les messages contradictoires que peuvent porter une mélodie, des paroles, des tons, de l'ironie, etc. Ce rap qui revendique des racines africaines ou arabes existait dès le début du hip-hop, hein. On se souvient de du Tonton du Bled, du 113 ou de Bissau na Bissau, mais ça se faisait dans une ambiance plutôt festive. On était un peu dans cette France de 98, cette France où la fraternité autour du football, du rap et de la culture permettait d'imaginer une France réconciliée avec toutes sortes de démons, dont celui de l'immigration. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que ça part d'un principe de partager cette expérience, ou ça reste ghettoisé? Ah, c'est deux très bons exemples que vous rappelez là. C'est d'une part Bissau na Bissau, qui était un projet de fusion de musique africaine et de hip-hop, porté par un collectif de rappeurs alors au fait de leur gloire, Arsenic, Debal, Neg Marron, Passy, M. Passy, la chanteuse. Et ce collectif, en fait, par le biais de chansons souvent festives qui semblaient amusantes, en réalité, il y avait cette même couleur douce-amère qu'on retrouve dans T'es à la menthe de la caution, c'est-à-dire que c'était aussi des chansons qui évoquaient la corruption en Afrique, qui évoquaient l'exil, qui évoquaient toutes ces questions. Tonton du Bled de 113, effectivement, un de leurs principaux tubes, le tube qui les a probablement fait connaître le plus. C'est aussi en réalité, quand on se penche sur les paroles, un morceau où pointe l'amertume d'une Algérie post-guerre civile, l'Algérie des disparitions, l'Algérie de la violence terroriste et militaire. C'est en réalité présent dans la chanson Tonton du Bled. Donc on est vraiment dans cette ambivalence finalement. Sauf que ce sont deux titres qui ont plu à toute la jeunesse française qui aimait le rap à l'époque. Ah oui, et puis T'es à la menthe aussi. C'est vraiment un morceau qui a franchi énormément de barrières, hein, comme je le disais. C'est sur la bande originale d'un blockbuster américain en 2005. C'est un morceau qui a vraiment fait connaître au-delà de son public de départ la caution. Donc T'es à la menthe est vraiment un morceau aussi fédérateur. Et finalement, il me semble que les paroles elles-mêmes portent une réponse à cette tension entre est-ce que c'est une mémoire, est-ce que c'est notre mémoire, ou est-ce que c'est une mémoire partagée. Et donc il y a aussi bien les références à des choses qui finalement sont très qui semblent très spécifiques, ce clin d'œil au rôle de Barbès finalement comme capitale d'une diaspora maghrébine en Île-de-France et la figure des Scopitones, et à la fois des références que toute la jeunesse qui a grandi dans les années 80, 70 ou 80 peut à laquelle toute la jeunesse peut s'identifier. Le jean 501 ou les Adidas, c'est quelque chose de totalement commun. Et donc c'est précisément dans cet aller-retour entre ce qui est commun et ce qui est particulier qu'il y a une forme de socialisation à une culture partagée qui se forme. C'est là qu'un morceau comme Tonton du Bled ou un morceau comme T'es à la menthe travaille à partager et à construire une culture commune qui ne serait pas uniquement ancrée dans une seule histoire, dans la Seine-Saint-Denis et plus largement dans la France contemporaine. Merci Karim Amou. L'intégralité de cette série est désormais disponible pour la réécoute en passant par franceculture.fr. Karim Amou, je rappelle que vous êtes sociologue, que vous travaillez au CNRS et que vous êtes l'auteur d'une histoire du rap en France aux éditions La Découverte et que vous animez toujours le blog Sur un son rap. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés cette semaine. Merci beaucoup, et je tenais à remercier aussi pour la préparation de cette émission. J'ai bénéficié des conseils et de l'aide de DJ Bachir, de Camille François et de Nicolas Jounin. Je tenais à les remercier, et j'attire l'attention de tous les auditeurs, toutes les auditrices sur l'initiative du Café culturel de Saint-Denis, la Fabrique Macadam. C'est un très beau projet, une rencontre de musiciennes de genre et d'esthétique très différentes, du saxophone, de la flûte traversière, de la guitare, du slam, du rap. Allez découvrir ça sur le web. Merci beaucoup. Souvenir d'une madame Nicole, un street qui pensait qu'un bounoule n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies baskets. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais, mais sois sûr que le premier qui nous a vu s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort venait sans clinette. On squatte le bac à sable avec son sable et nos idées, afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. D'après nos voisins, de gros racistes, je le précise, nous étions mal élevés, leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru, car parental est le seul amour que j'ai jamais eu. Donc pour pas se vénérer, s'y met à l'amende les vertus du nerf, donc du thé à l'amande. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Les compagnons du soir dans ta la belle étoile, passent sous les ponts de la nuit, à Paris village. Le miroir de la Seine, les lueurs des lampions, fuit le poison sans visage, d'un ciel sans nuages, redonne la la la la la. Oh la douceur de ce futur incertain, la la la la la. Trahir sa route, fracasser son destin. Les compagnons du jour, tête dans les nuages, provoquent bien des carnages, des carambolages. Les fusils silencieux aux beaux à l'unisson redoutent tous les ravages d'un ciel sans nuages, fredonne la la la la la. Aveuglé par un grand soleil radieux. Un autre jour est possible. L'invité culturel. Et l'actualité de la bande dessinée comme tous les vendredis avec aujourd'hui, surprise, Étienne Daho et Alfred. Alfred en connaît, il est dessinateur. Mais Étienne Daho qui devient le personnage d'une bande dessinée, le vrai Étienne Daho, c'est-à-dire comment se fabrique un disque, comment se pense un disque, comment il s'enregistre, toutes ces étapes. Alors cette idée de raconter tout ça dans L'Homme qui chante aux éditions Delcourt, elle part d'où ? D'une envie d'associer Étienne Daho à la bande dessinée ? Alfred ? Elle part déjà, c'est un livre que j'ai réalisé avec David Chauvel, et l'idée déjà, elle part de l'amour commun qu'on a pour le parcours d'Étienne, et puis pour son univers, et puis pour ses chansons qui nous accompagnent depuis très très longtemps. Donc c'était quelque chose dont on se parlait de temps en temps, de cette envie de raconter, d'assister en fait à l'acte de création de l'album d'un artiste important pour nous, dans nos vies, dans nos parcours même. Et puis voilà. Et puis il y a eu un moment, il y a eu un disque très particulier qu'a fait Étienne avec Jeanne Moreau, qui est le condamné à mort d'après le long poème de Jean Genet. Et c'est un disque qui nous a, autant David que moi, qui nous a accompagnés, bouleversés. Et sur lequel on s'est posé très rapidement une question, à savoir qu'est-ce qu'un artiste avec le parcours qu'a déjà Étienne, qu'est-ce qu'un artiste comme lui fera après une expérience comme celle-ci, quand il reviendra à quelque chose de plus personnel. Et puis on apprend qu'il rentre en studio, et puis on le contacte en se disant que on avait peut-être l'occasion d'aller chercher la réponse à cette question. Alors comment vous avez reçu, Étienne Daho, cette proposition ? J'ai reçu un mail de David Chauvel qui m'a donné envie instantanément de creuser, de les rencontrer, Alfred et lui. Les dessins d'Alfred m'ont beaucoup plu, bien sûr. Et je me suis dit que c'était une occasion vraiment unique de pouvoir faire une expérience avec d'autres artistes, de mélanger mon travail, ma musique, avec le dessin, d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent qui pourrait montrer mon travail d'une manière assez juste. Et quand j'ai rencontré Alfred et David, c'est instantané, c'était évident pour moi qu'il fallait le faire. En plus, on s'est très bien entendu tout de suite, on avait envie des mêmes choses, et donc je leur ai laissé vraiment carte blanche. Ils ont fait vraiment ce qu'ils ont voulu, et ils m'ont suivi sur plein d'épisodes comme ça. Il y a beaucoup d'épisodes sur la création d'un album. C'est vraiment les maquettes, l'enregistrement, la tournée, la promo. Et pour la bande dessinée ? J'ai lu assez peu de bandes dessinées, sauf quand j'étais enfant, adolescent. Quel genre ? Les choses qui changent un adolescent ou un enfant. Tintin, Alix, bon. Et oui. Et... Bah, c'est de bons classiques, non, Alfred ? Oui, t'as pas de soucis, mais j'ai aucun commentaire à faire dessus. Très bien. Et ensuite, j'ai un peu abandonné ce genre de lecture parce que j'en ai eu d'autres et que j'avais besoin d'avoir des lectures qui me permettent de laisser travailler mon imaginaire, de mettre et les visages et les situations que j'avais envie de mettre dans ce que je lisais, simplement. Et je suis passé à côté, probablement, de grands livres de bande dessinée, mais je vais rattraper le temps perdu. Ça m'a donné envie cette expérience. et surtout un livre d'Alfred qui s'appelle Come Prima, qui m'a vraiment donné envie de relire de la bande dessinée, parce que j'avais peut-être des fausses idées de ce que pouvait être la bande dessinée, et ça m'a vraiment ça m'a donné envie. Voilà, c'est une autre manière de raconter les histoires. Et je trouve que c'est vraiment beau et intéressant. En plus, Alfred a vraiment une manière de capter avec une acuité incroyable des émotions. Voilà. Vraiment, quand j'ai lu L'homme qui chante, j'ai été saisi par l'acuité avec laquelle il saisit des sensations, des sentiments... C'est vraiment très étonnant comment il dessine la musique avec des ondes comme ça, de couleurs qui bougent. C'est mieux qu'un film quasiment. Je trouve que c'est presque plus proche de la réalité qu'un film. Alors qu'il y a ce filtre du dessin qui fait qu'il y a un petit décalage. Et je trouve que c'est très très réaliste tout en étant aussi très pudique. Ce qui est important, ce qui m'importe. Voilà, mais ça dit tout. Ça dit tout de votre travail, et surtout ce beau paradoxe, on vous imagine très perfectionniste, entouré par une équipe, et pourtant les deux thèmes qui ressortent de l'homme qui chante, Étienne Dao, c'est l'intuition, vous revenez souvent sur l'intuition, et l'instinct musical. Mais comment mettre en dessin l'intuition et l'instinct musical? Eh bien, vous avez trouvé le moyen, c'est-à-dire de montrer Étienne Dao au beau milieu de tout un orchestre, c'est-à-dire la maison de disques, les musiciens, l'enregistrement, les doutes, la composition, et en même temps, avancer toujours avec du sentiment. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le dessin, et dans la bande dessinée en particulier, mais dans le dessin, c'est d'essayer de traduire avec les outils dont je dispose, de traduire des émotions, des ressentis, des choses qu'on peut pas forcément dessiner d'une manière réaliste. J'ai toujours fait ça dans tous mes livres. Je fais en sorte que mon dessin bouge en fonction de ce que je veux faire ressentir au lecteur, en fonction de ce que sont en train de vivre les personnages, de ressentir. Là, c'était la même chose. Il y avait, par exemple, sur la musique, c'est un cas typique. Moi, il n'y a rien de plus qui me contrarie dans les bandes dessinées que quand on raconte la musique en dessinant des notes de musique sur des pages et des pages. Moi, la musique, j'en fais, mais je ne la lis pas. Quand je lis une bande dessinée, je ressens pas la musique si on me dessine des notes. Je vois juste des symboles que je suis incapable d'interpréter. Je voulais éviter ça. Je voulais, au contraire, essayer de traduire les vibrations que c'est un instrument, les vibrations que c'est une voix. Voilà, ça, c'était des choses qui m'importaient. Donc le dessin, pour moi, en plus, le dessin permet ça. La richesse du dessin est immense, et enfin, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Mais ça, par exemple, voilà, c'était une chose, essayer de retranscrire en une image la sensation que j'avais de ce qu'Étienne était en train de recevoir quand, par exemple, on était à Abbey Road et que les musiciens sont tous en train d'interpréter pour de vrai ce qui jusqu'à présent n'était qu'en maquette encore. Voir physiquement se comporter par rapport à ce qu'il est en train de recevoir, essayer de traduire ça en une image, c'est les choses auxquelles j'avais envie d'être attentif. J'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu disais que tu ne lisais pas la musique, moi non plus. D'accord. Et que donc tu l'imaginais sur des formes d'ondes, etc. Et moi, quand j'ai commencé, effectivement, j'avais inventé un système de notation musicale qui était fait de figures géométriques, de points et de traits, et c'est mes deux premiers albums. Je les ai écrits comme ça. Après, j'ai tout chanté aux musiciens. Enfin, j'avais un autre langage et j'avais plus de maturité pour essayer de communiquer ce que j'avais dans ma tête. Mais c'est intéressant. Enfin, ça rejoint une intention commune. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet entretien. On passe au questionnaire. Quel est le plus tenace de vos souvenirs d'enfance? Étienne Dao. Ce sont des souvenirs en Algérie, dans un endroit qui s'appelle le Cap Falcon, dans lequel j'ai passé les premières années de ma vie. Ce sont des souvenirs de guerre mêlés à des souvenirs de liberté, de soleil. Enfin, ce sont des souvenirs très, très contrastés. Et avec le temps, ce sont des souvenirs qui deviennent des souvenirs complètement merveilleux. De, vraiment de, de liberté, de musique, et de soleil, de lumière. Voilà, c'est la chose qui me vient à l'esprit tout de suite. Alfred ? Ce sont des odeurs, des souvenirs d'odeurs d'Italie, pour le coup, dans lesquels j'ai partagé une partie de mon enfance entre la France et l'Italie. Et c'était chaque fois qu'on revenait en Italie, les premières choses qui m'attrapaient, me rappelaient que j'appartenais en partie à cet endroit, c'était les odeurs, c'était la mer, c'était... C'est du côté d'une région qui s'appelle les Cinque Terre, en Italie, qui est pas très loin de Gênes, voilà, et qui est un endroit dans lequel, j'ai compris tardivement que j'étais très attaché à cet endroit. Enfin, tardivement. Disons que pendant longtemps, ça me semblait être évident. Et puis à un moment, j'ai ressenti que j'appartenais très fort à cet endroit. Deuxième question. À qui pensez-vous le plus en ce moment ? Moi, je pense à Alfred, parce qu'il est à côté de moi. Tu m'as mangé ma réponse. Bon, ça me sauve, parce que je pense effectivement beaucoup à quelqu'un que je viens de rencontrer. Donc... Bon, écoute, moi, je pense beaucoup à David Chauvel, qui est mon camarade sur ce livre, avec qui on a partagé ces trois années qui ont été très denses, tant humainement que professionnellement, que artistiquement. C'était trois années assez intenses. David ayant été à la fois le co-auteur du livre et l'éditeur de Comme et Prima, qui est un livre qui a une vie très joyeuse et qui, du coup, c'est pour lui. Et enfin, troisième et dernière question. Je m'associe à ses pensées, bien sûr, parce qu'il est tellement avec nous, de toute façon. Troisième question. Aimeriez-vous changer de ville ? Alors, en ce qui me concerne, je le fais régulièrement. J'ai régulièrement besoin de retourner vivre ailleurs, de me partager en deux. Et c'est souvent retourner vivre en Italie. Ouais, donc, je l'ai fait il y a quelques années en retournant, en m'installant à Venise. Je repars bientôt. Moi aussi, c'est pareil. Je passe mon temps à changer de ville. J'ai vécu dans pas mal de villes différentes au gré des rencontres et des envies d'inspiration. J'ai vécu à Lisbonne, j'ai vécu à Barcelone, j'ai vécu à Ibiza, j'ai vécu à New York, à Londres. Londres beaucoup, parce que c'est quand même une ville de musique, et que c'est vraiment juste à côté. J'ai l'impression d'aller à Rennes en train, tellement c'est près. Et puis c'est depuis mon enfance, vraiment, et mon adolescence, ça a été un coup de foudre avec cette ville qui se prolonge. C'est vraiment une histoire qui se prolonge. C'est une ville qui m'inspire et dans laquelle je me sens confortable. J'aimerais beaucoup retourner à Los Angeles parce que je trouve que d'abord j'ai des amis qui m'invitent tout le temps à aller là-bas pour les rencontrer, puis je trouve qu'il y a une scène qui est vraiment intéressante. Il y a toute une nouvelle scène en Californie de musique psychédélique que j'adore, plein de petits groupes avec lesquels j'aimerais bien faire de la musique, partager des choses. Étienne Dao et Alfred pour L'Homme qui chante, la bande dessinée éditée chez Delcourt. Générique de fin. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, et quand vous voulez avec l'écoute en... Merde. Et quand vous voulez avec l'écoute en ligne et le podcast, je recommence. Et quand vous voulez avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem préparée avec Pascaline Bonnet, réalisation Thomas Duterre. Merci beaucoup à vous deux et bon week-end, merci. C'est très bon, dis-moi. C'est l'inclinaison de la voix.